Alors, je vais vous souhaiter une cordiale bienvenue en cette soirée de deux conférences dont vous connaissez le thème, un nouveau regard sur la Genèse dans les premiers chapitres de la Genèse. Et ce soir, nous avons un conférencier invité du nom de Pierre Gilbert, hein, vous le connaissez tous. Hein. Alors, Pierre a été professeur à l'Institut biblique Laval pendant plusieurs années, professeur et registraire. Il a aussi été professeur au séminaire de Fresno et j'ai eu l'occasion de l'avoir comme professeur également là-bas, en Californie. Et puis, présentement, Pierre est professeur de Bible et théologie à Winnipeg, Concord College, hein, c'est bien ça. Alors, ce soir, donc vous savez le thème, c'est un nouveau regard sur la Genèse. Nous voulons étudier les trois premiers chapitres de la Genèse. Vous savez que les origines du monde ont toujours fasciné les gens, n'est-ce pas? Les gens se posent la question... D'où vient la vie? Qu'est-ce qui explique l'existence humaine telle qu'elle est aujourd'hui? D'où vient notre univers? D'où vient la création? Et à travers l'histoire, il y a différentes hypothèses qui se sont multipliées l'une après l'autre pour tenter d'expliquer les origines de notre monde. Chaque peuple a tenté à sa façon de fournir des explications à ces questions fondamentales. Hein? D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et d'où vient la création? Mais voilà, il y a un texte qui est apparu il y a à peu près 3000 ans. Et ce texte a changé... changer un peu notre façon de voir les choses. Et puis, selon Pierre, c'est un texte choquant. N'est-ce pas, Pierre? Oui? Alors, Pierre va nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par là, hein, que c'est un texte choquant. Et bien entendu, c'est le texte de la Genèse qui nous parle de la création. Et il va nous démontrer comment ce texte était un texte qui a bouleversé, en quelque sorte, les fondements de l'univers de l'époque, mais qui peut aussi bouleverser notre façon de comprendre l'existence humaine aujourd'hui. C'est un texte qui était une bonne nouvelle pour les gens d'autrefois, mais qui peut aussi être une bonne nouvelle pour les gens d'aujourd'hui. Et à travers ces conférences, Pierre va essayer de répondre à certaines questions, comme par exemple, pourquoi un récit de la création? À qui ce récit s'adresse-t-il? Genèse 1-3 est-il encore pertinent dans une société comme la nôtre? Et quel rôle l'être humain est-il appelé à jouer dans la création? Alors, ce sont certaines questions dont Pierre va essayer de tenter de fournir quelques explications. Alors, avant d'inviter Pierre, j'aimerais juste qu'on puisse courber nos têtes et je vais faire une prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as laissée. Nous savons, Père, que ta parole est remplie de vérité, qu'elle est remplie de richesses. Et ce soir, Père, nous voulons découvrir les richesses des textes de la Genèse, des trois premiers chapitres. C'est la raison, Seigneur, pour laquelle nous voulons te demander que tu sois présent parmi nous, que tu nous enseignes, que tu nous instruises, que tu puisses être avec Pierre aussi, afin qu'il puisse, Seigneur, nous expliquer le sens de ces trois chapitres, afin que l'on puisse comprendre, Seigneur, ce que nous avons besoin de comprendre à travers ces trois chapitres, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons que tu sois avec nous et que ta parole, Seigneur, puisse vraiment nous rejoindre là où nous sommes. Et que nous puissions comprendre combien ces chapitres de la Genèse, Seigneur, puissent être une parole d'espérance pour nous aujourd'hui. Alors, Seigneur, c'est entre tes mains que nous remettons cette soirée, et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, Pierre, je t'invite. Merci. Bon, ben, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. J'en reconnais plusieurs, quoique je ne m'aventurerai pas à attacher des noms au visage. Le souvenir des noms n'est pas un de mes grands dons. Il est plus facile de souvenir parfois des rois du Proche-Orient ancien et d'Israël que de souvenir des gens qu'on connaît. Mais je reconnais beaucoup de visages et c'est avec beaucoup de joie que je suis ici ce soir. Pour en finir avec la peur, un nouveau regard sur Genèse 1 à 3. Il est le propre de l'être humain, non seulement de souffrir, mais d'être conscient de sa souffrance. Il ne fait aucun doute que les animaux souffrent, mais bien qu'elle puisse être intense, la souffrance de l'animal diffère de celle de l'homme en ce qu'elle est immédiate à la conscience de l'animal. L'animal ne prévoit pas la souffrance à venir et ne pondère pas la souffrance passée, elle est présente et immédiate. L'être humain entretient un rapport à la souffrance qui est fondamentalement différent de celui de l'animal. Le rapport que l'être humain entretient par rapport à la souffrance, on pourrait le qualifier de conscient. L'être humain a conscience de la souffrance avant même que la souffrance n'apparaisse. Et non seulement l'être humain peut-il anticiper la souffrance, mais il a cette capacité unique d'anticiper la fin même de son existence. Et si l'être humain entretient tel rapport à la souffrance, c'est parce qu'en fin de compte, il entretient un rapport unique envers sa propre existence. L'être humain peut imaginer sa non-existence, c'est-à-dire une période où il n'existait pas et une période où il n'existera pas. De la réalisation de ses limites, particulièrement quand la souffrance le frappe, surgit l'angoisse, et de l'angoisse surgit un questionnement fondamental et inévitable sur le sens de l'existence. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quelle est la solution? Sans entrer dans les détails, je dois avouer que j'ai eu une enfance plutôt difficile. Ma mère souffrait de dépression chronique. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. À chaque fois, on l'hospitalisait à la clinique Roy-Rousseau, qui se trouvait tout à côté de l'hôpital Michel-Archange à Québec. Puis, veux, veux pas, ce genre d'expérience laisse des traces. Du côté de mon père, c'était pas beaucoup mieux. Il était plutôt irresponsable, financièrement, puis à d'autres niveaux. Il était violent aussi. Ma mère l'haïssait. À tous les anniversaires, je me souviens, ma mère disait, 10 ans de vie d'enfer, 11 ans de vie d'enfer, tu sais, c'est bon. Jusqu'à ce que finalement, on mette fin à cette vie d'enfer. Vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à me demander pourquoi je me retrouvais dans une famille comme ça. Pourquoi est-ce que je n'avais pas des parents normaux, comme tous les autres enfants? Parce qu'il me semblait que les autres avaient des familles plus normales que la mienne, mais ça apparemment, ce n'était pas le cas. Vers l'âge de 14 ans, les choses ont commencé à se corser un peu. J'ai commencé à avoir des tendances suicidaires moi-même. Je trouvais que la vie n'avait aucun sens. À quoi ça servait de vivre? Un jour, alors que j'étais sur le point de traverser le boulevard de la Canardière à Québec pour aller à la maison, je me suis demandé ce qui se passerait si je traversais ce boulevard assez occupé, avec les yeux fermés. Bon. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. J'ai vu ma mère en moi. Puis j'ai pas aimé ça. J'ai pris une décision. J'ai décidé que j'allais découvrir le sens à la vie. C'était devenu une question de vie ou de mort pour moi. Évidemment, décider de trouver un sens à la vie, c'est une chose. Mais le faire, c'en est une autre. Il y a donc une question qui a commencé à me hâter. Comment allais-je trouver, comment allais-je faire pour trouver une réponse aux grandes questions existentielles que je me posais? À un moment donné, je me suis retrouvé pasteur d'une petite église à Waterloo, dans les cantons de l'Est. Puis, il y avait un couple, un jeune couple. Et ce couple avait une ferme. Sur cette ferme, il y avait une étable. Et sur un des murs de l'étable, à l'extérieur, il y avait une espèce de grand symbole en forme de cercle. Puis apparemment, sur cette peinture, je ne sais pas quel trop le nom lui donner, il y avait un symbole occulte. Et là, il y avait des gens, il y a des chrétiens qui venaient les visiter, qui voyaient le symbole, hein, la plaque sur ce mur. Et on leur disait qu'il fallait absolument qu'ils retirent cette plaque du mur de leur étable, hein, ce symbole occulte, et qu'ils le brûlent. Parce qu'apparemment, ce symbole pouvait attirer des esprits mauvais, pouvait attirer le malheur sur cette ferme. Puis étant donné que j'étais le pasteur, un jour on m'a invité, on m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis là, la question que j'ai eue, c'est, bon, je peux leur dire une chose ou une autre. Enlève-le, brûle-le, laisse-le là. Mais sur quel critère est-ce que j'allais baser ma décision? Tu sais, je ne voulais pas juste donner une préférence personnelle. Je voulais offrir certains critères par lesquels on pouvait juger de la légitimité de l'hypothèse que ce symbole occulte allait attirer des forces maléfiques ou des esprits mauvais. Comment arriver à prendre une décision comme celle-là? J'enseigne présentement un cours intitulé « L'Holocauste juif, le problème de la souffrance et la liberté humaine ». J'ai pris l'initiative de montrer le film « La liste de Schindler » que peut-être certains d'entre vous avez vu. à mes étudiants, puis je pense qu'environ les deux tiers des étudiants n'avaient jamais vu le film. Je n'ai pas besoin de vous dire que, bon, hein, ça a été un choc pour certains d'entre eux. Évidemment, la question qui se pose quand on voit un film comme ça, c'est la question du pourquoi et du comment. Comment est-ce qu'un gouvernement civilisé, moderne, éclairé, ait pu en venir à élaborer une politique d'extermination aussi froide et aussi calculée envers toute une population? 6 millions de Juifs ont été déshumanisés, objectifiés et finalement exterminés. On ne peut que se demander comment une telle chose ait pu se produire. Évidemment, l'envers de la médaille, ce sont les victimes. Comment survivre à une telle expérience, le camp de concentration? Comment conserver son humanité dans de telles situations? Viktor Frankl, un psychiatre survivant des camps de concentration, a écrit dans son livre « La recherche de l'homme pour le sens », ou « La recherche du sens chez l'homme », que le prisonnier qui perdait la foi à l'avenir, son avenir, était perdu. Mais comment conserver l'espoir? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'espoir et le désespoir? Cette conférence que j'ai intitulée « Pour en finir avec la peur, un nouveau regard sur Genèse 1 à 3 », s'inscrit dans le sillon des questions que je viens de poser et des problématiques que j'ai évoquées dans les quelques exemples que j'ai cités plus haut. Non, j'en ai aucun doute ici qu'il y en a peut-être qui se posent des sérieuses questions sur mon état d'esprit. Qu'est-ce que les récits de la création, Genèse 1 à 3, peuvent bien avoir à dire sur de telles problématiques? Les textes de la création ont été le plus souvent très mal compris au cours de l'histoire de l'Église. Ils ont été l'objet de spéculations relativement à la condition du monde avant la chute, une présumée guerre de proportions apocalyptiques entre l'armée de Satan puis les forces de Dieu, hein, entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2, par exemple, les conséquences de la chute sur l'écosystème, les modes de survie des animaux, de l'homme. Et plus récemment, le texte de la création a surtout été utilisé pour infirmer la théorie de l'évolution. On en fait seulement en proposant une interprétation littérale des jours de la création et en stipulant donc l'hypothèse de la création de l'univers aux environs de 4004 avant Jésus-Christ. C'est un peu dans cette optique que, hein, récemment, en tout cas, on utilise ces textes-là. Aujourd'hui, je ne veux pas porter atteinte à l'intégrité de ceux et celles qui lisent Genèse 1 dans le cadre simplement du débat création-évolution. Okay? C'est légitime de le faire, mais ce n'est pas vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais tirer des conclusions de ces textes-là, qui, à mon avis, vont être très pertinents pour nous, en tant que chrétiens, mais aussi pour l'optique dans laquelle on peut communiquer l'Évangile aux gens de notre société. Vous allez voir pourquoi, un petit peu plus tard. Mon point de départ est littéraire. Ma préoccupation porte sur le texte lui-même et son lieu d'accueil premier. Il faut se rappeler que le texte de la Genèse a été écrit bien avant Darwin. Hein? Ni Moïse, ni les Hébreux n'avaient jamais entendu parler de Charles Darwin, ni du débat sur l'enseignement de l'évolution dans les écoles. La première question qu'on doit se poser, c'est pas tant de savoir comment je peux utiliser ce texte comme pieu que je peux enfoncer dans la poitrine des vampires darwiniens. Mais on doit plutôt se questionner sur l'occasion qui motive Moïse à écrire cette histoire. Voici donc quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre. Qui sont les récipiendaires des textes de la création? Pour quelles raisons ces textes sont-ils écrits? Quelles sont les préoccupations qui sont derrière ces textes? Quel genre de texte avons-nous ici? Quelle peut être la pertinence de ces textes pour nous aujourd'hui? Genèse 1 à 3, peut-il avoir quelque chose de pertinence qui touche la communication de l'Évangile dans notre société? Un petit avertissement. Hein? La première partie de l'exposé, ce n'est pas la première fois que je le fais. La première fois en français, pas la première fois en anglais. Excusez. Laisse parfois les membres de l'auditoire qui ne me connaissent pas très bien, comment pourrais-je dire, un peu peut-être ébahi, surpris, méfiant. Parce que la première partie est un petit peu, peut-être un petit peu bizarre. Okay? Il y a une raison pour ça. Il faut que vous me fassiez confiance. Je sais, vous me viendrez, plusieurs ne me connaissent pas, mais il y en a qui me connaissent, je suis digne de confiance. Bon. Je m'en vais quelque part avec tout ça. Vous allez voir, malgré les histoires un peu bizarres là, qu'on va regarder ensemble. Si vous partez durant la pause, parce que vous êtes choqué par les histoires que vous entendez, vous allez passer le reste de votre vie à vous demander où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Ça va vous empêcher de dormir. Ça peut briser votre mariage, perdre votre maison. Je ne voudrais pas être la cause de ça, parce que... Bon, hein? Quand j'aurai terminé avec cette première partie, qui consiste essentiellement à jeter un coup d'œil sur le Proche-Orient ancien, le contexte Proche-Orient ancien dans lequel ce texte-là a vu jour, quand on va avoir terminé ça, vous allez commencer à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et je pense que, comme moi, vous allez découvrir que ça apporte un éclairage à ces textes-là qui sont tout à fait exceptionnels. Bon, qui sont les gens, les hommes et les femmes, qui ont reçu les textes de la création? Bon, il y a bien des théories là sur la date de rédaction de Genèse 1 à 3, mais pour les fins de cette conférence, j'aimerais suggérer que ces textes sont donnés aux Hébreux suite à leur délivrance d'Égypte. Qui sont ces Hébreux en Égypte? J'aimerais tout d'abord vous suggérer que ce ne sont pas de bons chrétiens évangéliques. En fait, une lecture même sommaire des livres de l'Exode et des Nombres suggère le contraire. Les Hébreux en Égypte sont essentiellement des païens. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Encore une fois, faites-moi confiance, là, je vais prouver ça après la petite section que je vais faire ici. Prenons pour acquis que ce que je dis là, c'est vrai. Qu'essentiellement, les Hébreux en Égypte, ce sont des païens. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi est-ce que ça croyait des païens à cette époque-là? Hein? Parce que des païens, on ne rencontre pas ça tous les jours. Hein? Il n'y a pas des païens à Montréal. Des vrais païens, là. Hein? Peut-être en Californie, il y en a plus. Ici, il n'y en a pas. Puis surtout des païens mésopotamiens. Ça, c'est très difficile à retrouver. Un jour, on retrouvera peut-être de l'ADN d'un païen mésopotamien qu'on pourra reconstituer, on lui posera des questions, tout ça. Mais jusqu'à ce qu'on puisse faire ça, là, on a un problème. Fait que là, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est examiner avec vous quelle était l'essence ou l'essentiel de la pensée mésopotamienne à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque où les Hébreux étaient en Égypte et à l'époque où ils ont reçu les récits de la création. Bon, la première chose que je veux examiner, évidemment, ce sont des mythes. Nous avons des mythes en Mésopotamie. Et ce qui est important ici de remarquer, c'est que des mythes, vous savez, bon, contrairement à ce qu'on pense habituellement, vous savez, quand on parle de mythes, on dit, bon, un mythe, c'est quelque chose qui est faux, un mythe, c'est quelque chose de pas vrai, on se méfie de ça. Mais au sens technique du terme, les mythes sont extrêmement importants dans une culture, car ils sont écrits essentiellement pour nous dire ce que les gens de cette culture-là croyaient. On en a des mythes dans notre société. Hein? La théorie de l'évolution, par exemple, elle joue le rôle d'un mythe dans notre société. Elle nous dit d'où nous venons, la raison pour laquelle nous vivons et où nous en allons. Hein? Si vous regardez, si vous êtes des amateurs de patrouille du cosmos, là, hein? Bon, c'est le mythe de l'évolution, essentiellement, qui soutient toute l'idéologie, finalement, d'une série comme celle-là. Bon. Donc, nous retrouvons des mythes en Mésopotamie. Il y en a essentiellement deux que j'aimerais résumer pour vous. Là, je ne prendrai pas le temps de les lire. Le premier, c'est le mythe de l'Enuma Elish. Bon. C'est un mythe babylonien. Et ce mythe nous dit que la terre fut créée suite à une grande bataille, un grand combat entre un dieu et une déesse. Le dieu, c'est Marduk, et la déesse Tiamat. Bon, cette déesse-là, ce n'est pas une femme, là. C'est une espèce de, de grosses bêtes, là. Hein? Bon, enfin. À la fin de cette bataille, nous lisons que, bon, Marduk arrive à prendre le dessus, il met son pied sur la nuque de Tiamat, il lui brise le crâne, il coupe ses vaisseaux sanguins, et, bon, évidemment, elle est morte, hein, parce que c'est dur de survivre, ouais, c'est ça, bon, elle meurt là. Mais là, vous savez, Marduk, c'était un grand écologiste, c'est quelqu'un qui recyclait les choses. Il ne voulait pas voir cette grande bête-là tout simplement pourrir. Bon, ça sent mauvais, hein, après un moment donné, là, les dieux, il a fallu qu'ils déménagent. Fait que là, Marduk, il décide de recycler Tiamat. Il prend sa peau et il l'utilise pour en faire les cieux, hein, sur retenir les eaux. Là, bon. Il prend son corps et avec son corps, il en fait la terre. Un petit peu plus tard, il a une autre idée. Il décide de faire tuer un dieu, Kingu. Mais Kingu, c'est un faiseux de trouble, là. Vous savez, c'est quand vous avez un faiseux de trouble quelque part, là. Là, on s'en débarrasse. C'est exactement ce qu'il fait. Ils font venir Kingu. Et il tue Kingu. Et là, avec le sang de Kingu, on crée une nouvelle créature. Cette créature, c'est le loulou. Et savez-vous pourquoi Marduk crée le loulou? Pour alléger le fardeau des igigous. Parce qu'au Proche-Orient ancien, il y a deux grandes catégories de dieux. Il y a les Anunnaku, ça c'est les dieux aristocrates, il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est les dieux qui foutent rien, là. Ils vivent dans leur palais, ils se font nourrir. Bon, c'est une belle vie, là. Si vous aviez le choix de devenir un Igigu ou un Anunnaku, dites Anunnaku. Posez-vous pas de questions, OK? Dites pas Igigu. Les Igigu, c'est des petits démons, là. Ils traînent partout, là, ils font du trouble. On veut être un Anunnaku. Ça fait que ils créent une créature pour alléger le fardeau des Igigu. Puis le résultat de ça, c'est que les Igigous n'ont plus besoin de travailler, parce que vous savez, les Igigous, là, avant la création du loulou, les Igigous devaient travailler, puis travailler dur, 16 jours par semaine, 12 mois par année, 16 heures par jour. Okay? Puis c'est eux autres qui creusaient là, les canaux, les fleuves, les rivières, c'est eux qui nourrissaient les dieux. Puis il n'y avait pas ça, les Igigous travaillaient comme ça. Fait que quand Marduk a créé le loulou, Marduk est devenu très, très populaire. Hein? Tout le monde s'est mis à genoux devant Marduk, puis ils ont dit, c'est notre nouveau dieu, c'est notre roi, c'est notre prince, et ainsi de suite. Hein? Bon, ça, c'est un mythe qu'on retrouve au Proche-Orient ancien. C'est un mythe qui explique, à ceux qui veulent le savoir, d'où vient l'univers, d'où vient la Terre, d'où vient l'être humain. Hein? Je ne vous ai pas dit ça. Hein? Le loulou, c'est qui? Ah, c'est nous autres. Hein? C'est nous. C'est un grand honneur qu'il nous a donné. Mais il y avait un autre mythe. Ce mythe-là s'intitule l'Atlantide. Et dans ce mythe, on nous donne une version, bon, quelque peu semblable, là, mais avec quelques différences. On découvre que l'être humain est créé suite à une grève. Parce que, encore là, on a les Anunnaku et on a les Igigous. Mais à un moment donné, les Igigous, selon le texte, selon ce que nous dit le texte, les Igigous se fatiguent de travailler, sont écœurés de travailler. Okay? Parce que le problème, si vous êtes un Igigou, vous ne mourrez pas. Hein? Vous vivez là pour toujours, vous êtes immortel, à moins qu'il vous arrive quelque chose, là, vous coupe la tête, par exemple. Là. Mais à part d'une chose comme celle-là, vous vivez longtemps. Évidemment, il était tanné de fatigue de travailler, puis à un moment donné, il y en a un qui a une idée. Il dit, ben écoute, il faut faire quelque chose. Puis il y en a un qui a une idée, un syndicat. Hein? Fait que là, il crée, on organise un syndicat. On brûle les outils qu'on a, on se présente devant le palais, puis là, on informe les dieux d'en haut, les Anunnaku, qu'on ne travaille plus. Évidemment, les Anunnaku, ils paniquent, parce que si les Igigous ne travaillent plus, ça signifie qu'il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de vin, on va mourir. Bon, les dieux ne sont pas supposés mourir, mais bon, hein, c'est, apparemment, si on ne les nourrit pas, c'est comme une plante. Hein. Si vous ne les nourrissez pas au soleil, tout ça, ça meurt, ça crève. Je suis familier avec ça. Je ne suis pas très doué pour la culture. Hein? Ça fait que là, les dieux réagissent. Ils disent, oui, on va faire quelque chose. On va créer une créature, le loulou, encore une fois, Et ce loulou est finalement créé pour alléger, pour enlever le fardeau des igigous. Et le fardeau des igigous, leur labeur, est transféré à l'être humain. Et ça, c'est nous. Hein? Donc, si vous aviez un petit enfant, là, un petit bonhomme, des fois, Jimmy ou Marc Mésopotamien, qui va voir son papa Mésopotamien, qui lui dit d'où est-ce qu'on vient, quelle est notre destinée, où est-ce qu'on s'en va, bien, papa Mésopotamien, c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait lu les mythes avec lui pour lui expliquer quel était le destin de l'être humain. Je vais faire juste une courte synthèse de la pensée mésopotamienne. Tout d'abord, parlons du divin. En Mésopotamie, on parle de polythéisme, c'est-à-dire qu'on a une multitude de dieux dans cette culture. Ces dieux représentent différents aspects de l'univers, c'est-à-dire le soleil, la lune, la fertilité, les vents, et ainsi de suite. Ces choses-là représentent, sont des expressions du divin. Le monde divin reflète la nature humaine, c'est-à-dire que comme dans la société humaine, on retrouve une hiérarchie, bon, le roi, les princes, puis les fermiers, les cultivateurs, les esclaves, et ainsi de suite. Reflétant cette hiérarchie humaine, les dieux sont eux aussi organisés selon une hiérarchie, et le monde des dieux représente ou reflète aussi la nature. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Mésopotamie, on a un climat qui est très très imprévisible, un climat dur, un climat difficile, un peu comme au Québec. C'est jamais d'une journée à l'autre là, ce qui va te tomber sur la tête. Okay? Or, en Mésopotamie, c'est un peu la même chose. Le climat est dur, le climat est difficile, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, comme c'est le cas ici. Et évidemment, ceci étant le cas, ben, on arrive à la conclusion que les dieux aussi sont imprévisibles, capricieux, violents, qui ne se préoccupe pas de l'homme, parce que la nature reflète les dieux. Si la nature, donc, est difficile, si la nature pose difficulté ou pose problème, c'est parce que la nature est contrôlée par les dieux, et les dieux sont capricieux. Hein, ça reflète le caractère des dieux. Au niveau de la notion de justice, c'est un petit peu complexe aussi, parce que les gens souffrent au Proche-Orient ancien. La souffrance qu'ils ressentent n'est jamais quelque chose qu'on peut prévoir en tant que tel. Et puisqu'on ne peut pas prévoir cette souffrance, et puisque cette souffrance provient ultimement des dieux, bien, la question se pose à savoir par quel principe, selon quelles règles, est-ce que les dieux affligent les hommes? Par quel principe, selon quelle règle, est-ce que les dieux punissent les hommes, pour ainsi dire? Et puisqu'il ne semble pas y avoir de règles à cette souffrance, ben on en vient à la conclusion que s'il y a un principe de justice chez les dieux, ben ce n'est pas un même principe de justice que chez les êtres humains. Parlons un petit peu de l'humanité. Les êtres humains sont créés essentiellement pour servir les dieux. Ce sont les esclaves des dieux. La vie humaine n'a pas de sens ultime. Les êtres humains ne sont créés que pour servir les divinités, ni plus ni moins. C'est une vie sans espérance. Ultimement, dès que l'être humain a servi son temps, lorsqu'il est trop vieux pour travailler, il n'y a plus de sens à son existence, comme une vieille machine à laver. Hein? Vous savez, lorsqu'une machine à laver finit, bon, on s'en débarrasse. Hein? Il n'y a pas un ciel pour les machines à laver. Là. C'est un petit peu la même chose pour le Mésopotamien. Le Mésopotamien moyen vit dans la crainte, l'incertitude, le doute et l'ignorance. Parce que les dieux ne révèlent pas leur volonté. Ils ne donnent pas d'instructions claires aux êtres humains. Le Mésopotamie vit aussi dans la crainte de la mort. On pourrait croire que la mort serait une espèce de délivrance pour le Mésopotamien, mais le fait est que, qu'en Mésopotamie, on a une notion très négative de la mort. Il est préférable d'être vivant que d'être mort, malgré le fait que la vie n'est pas toujours rose. Le Mésopotamien n'a pas vraiment d'identité en tant que tel. Il est né un esclave, il vit en tant qu'esclave, et il mourra un esclave. Pour le Mésopotamien, selon les mythes anciens, l'univers est un endroit hostile. Ce n'est pas un endroit qui est, pourrait-on dire, amical envers l'être humain. L'univers est engendré dans la violence. L'univers est mythologisé. Pardon pour les fautes, là. L'univers est mythologisé, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les aspects de l'univers sont une expression du divin et expriment le divin. Ça, ça a des implications extrêmement sérieuses. Parce que quand vous pensez, par exemple, au développement d'une méthode scientifique ou d'une technologie ou d'une culture technologique comme celle qu'on connaît aujourd'hui, il faut réaliser que dans une culture comme celle qu'on retrouve en Mésopotamie, il est impossible de développer une méthode scientifique ou une culture technologique, parce qu'on ne peut étudier ce qu'on tient comme sacré. On ne peut étudier ce qu'on craint. Or, les Mésopotamiens craignent l'univers. Ils craignent le soleil, la lune, les étoiles, la force qu'on retrouve dans les arbres. Et étant donné qu'on se trouve dans un univers comme ça, on ne peut étudier, on ne peut analyser un tel univers. Et donc, le développement de la science telle qu'on la connaît est quelque chose d'impossible. C'est essentiellement un univers qui est source et créateur de terreur pour la personne moyenne, pour le Mésopotamien moyen. Juste pour développer un petit peu plus, si on veut parler par exemple du problème du mal, hein, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup en tant que chrétien. Pour le Mésopotamien, le mal est une réalité, ce n'est pas qu'une illusion. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. On se préoccupe de la souffrance, on se préoccupe du mal. Les sages y ont consacré une réflexion profonde et sérieuse. Le mal et la souffrance constituent des préoccupations quotidiennes du Mésopotamien, déjà ordinaire. L'origine du mal est directement liée aux dieux. Les humains ne servent qu'un but utilitaire. Ils étaient créés pour être des esclaves. Si les humains reconnaissent qu'il y a le mal chez l'être humain, ils reconnaissent aussi que l'origine ultime du mal est dans les dieux eux-mêmes. Parce que les êtres humains furent créés, ils furent construits à partir de la matière divine. Vous vous souvenez de ça, hein? C'est-à-dire que dans les deux cas, dans les deux mythes, on prend le sang d'un dieu ou son esprit, et on utilise cette matière divine pour former l'être humain. Donc ça, c'est dire que le mal, que la souffrance, était dans l'ADN même des dieux et donc dans l'acte de la création. Les causes de la souffrance humaine sont relativement simples. Si l'être humain souffre, c'est parce qu'il y a une action que les dieux, il y a une action qu'on retrouve dans le domaine divin qui affecte la vie humaine. On peut peut-être l'exprimer ainsi. Si, par exemple, un peuple subit une conquête ou une défaite militaire, c'est parce que dans le domaine divin, il y a eu une guerre. Et la divinité du peuple qui fait l'expérience de la défaite est une divinité qui, elle aussi, a été conquise dans le monde divin. Cette défaite du dieu national s'exprime donc, ou se manifeste donc, par la défaite du peuple lui-même. OK? La souffrance de l'individu La souffrance d'un individu est souvent le résultat d'une offense qu'un individu a pu commettre envers un dieu, ou souvent le résultat d'une malédiction qui est prononcée par un sorcier ou une sorcière. Parce que souvent, vous savez, on engageait des sorciers pour se débarrasser de quelqu'un. Si vous aviez un voisin, par exemple, qui avait une belle maison, un grand terrain, bien, une des façons de se débarrasser de ce voisin-là, là, qui était un petit problème pour vous parce que vous vouliez agrandir votre terrain, c'était d'engager un sorcier ou une sorcière qui prononçait une malédiction, puis on espérait que les résultats ou les conséquences de la malédiction provoqueraient la mort de la personne en question. Les Mésopotamiens, évidemment, tentaient de se protéger, ils tentaient de répondre aux problèmes du mal et de la souffrance. On le fait en offrant des sacrifices. C'est une façon d'apaiser les dieux. On le fait aussi en participant à des rituels d'exécration, c'est-à-dire, bon, c'est des rituels dans lesquels on implique des animaux ou des objets et sur lesquels on transfère les effets de la malédiction. Hein? Les Mésopotamiens investissaient énormément de temps et d'énergie à se prémunir des forces maléfiques dans l'univers, à exorciser leur réalité. On faisait appel aussi à des devins, qui lisaient les étoiles, les entrailles des animaux, des bâtons qu'on jetait à terre, et ainsi de suite. Une autre façon aussi de se prémunir contre le malheur, c'était de tenter de ne pas se faire remarquer par les dieux. Il y a un vieux texte qui s'intitule « Le Job souffrant », et dans ce vieux texte de sagesse, le sage enseigne finalement qu'une des meilleures façons d'éviter le malheur dans la vie, c'est de ne pas se faire remarquer. Parce que les dieux sont méchants, ils sont capricieux. Mais si vous faites quelque chose d'exceptionnel, si vous faites quelque chose qui est hors de l'ordinaire, les dieux risquent de vous remarquer. Et s'ils vous remarquent, ils vont provoquer le malheur dans votre vie. Okay? Donc, on essaie de vivre là, tranquillement en dessous de la table autant que possible. C'est un peu la même chose avec le gouvernement. Hein? Vie tranquille, là, comme ça on a moins de... À un certain niveau, les Mésopotamiens ne jouissent aucune liberté humaine. Leur destin est fixé par les dieux. Et leur existence en est complètement affectée. Bon, revenons à nos fameux Israélites. Je vous ai suggéré un petit peu plus tôt que les Israélites en Égypte étaient devenus des païens. En d'autres mots, ce que je vous suggère, c'est qu'ils avaient adopté une vision du monde qui était essentiellement mésopotamienne. Laissez-moi vous donner quelques preuves de ce que j'avance. Bon, tout d'abord, il est bien important de réaliser que les Israélites en Égypte n'étaient pas simplement des esclaves en théorie, ils étaient des esclaves dans les faits. Ils étaient les esclaves du pharaon. Bon, déjà, ça commence pas bien, hein? Ça regarde mal, comme on pourrait dire. Si vous tournez à Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Remarquez, c'est peut-être un point un peu subtil, mais remarquez que le texte ne dit pas que les Israélites se mirent à prier envers Dieu ou à Dieu. On dit qu'ils se mirent à gémir et à crier et que leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que Dieu entendit leur plainte. C'est deux choses relativement différentes, ça. Ils se plaignaient, mais il n'y avait pas les mots manquent des fois. Il n'y avait pas un destinataire précis en ce qui concerne leur prière. Non, si vous tournez maintenant un petit peu plus loin à leur expérience dans le désert, bon, vous vous souvenez que les Israélites bon, font l'expérience des grands miracles de Dieu, hein, les 10 plaies d'Égypte, la destruction de l'armée égyptienne, et ainsi de suite. C'est des choses extrêmement impressionnantes, ça. Hein? Pourtant, si vous tournez à Exode, chapitre 16, il se passe quelque chose d'un peu étrange. 16, verset 1, toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Aussitôt qu'ils en ont la chance, à la première occasion, le peuple d'Israël demande à Moïse de retourner en Égypte. Vous savez ce qui se produit ici? Il ne faut pas être trop sévère avec ces pauvres Israélites. Si ce que je vous propose est vrai, c'est-à-dire si vraiment c'était des païens, et que leur notion, leur conception des dieux, était que les dieux sont fondamentalement mauvais, à la première occasion qu'ils ont, dès qu'un obstacle se présente à eux, leur réflexe, c'est de croire qu'ils se sont fait avoir. Que ce Dieu qu'on avait dit qui était indifférent des autres dieux, ne l'est en fait pas. Il est pire encore que les autres dieux. Hein? Il est plus subtil, plus cruel. Il nous a monté un bateau. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait miroiter quelque chose de mieux. Mais en fait, tout ce qu'il voulait faire, ce nouveau Dieu-là, c'est nous sortir d'Égypte pour mieux nous tuer. Un à un, là, à carabine, tu sais, tranquillement. OK? C'est un Dieu simplement plus cruel, plus sceptique, un Alfred Hitchcock divin. OK? En fait, c'est tellement vrai que ces Israélites étaient essentiellement des païens que lorsque Moïse disparaît sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Aaron, son frère, qui était heureux tout d'un coup de se retrouver derrière le micro, hein? Enfin, Moïse est parti, je peux donner un peu de leadership à ce peuple-là, être reconnu pour le genre de leader que je suis réellement. On demande à Aaron de faire un petit veau pour qu'on puisse l'adorer. Puis vous vous souviendrez du texte en Exode 32, 1 à 6. On fait le veau, on se lève. Verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. On se passe pire. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ici, le terme « divertir » est extrêmement intéressant. C'est un euphémisme qui fait allusion non pas à une partie de carte bien innocente, mais qui fait allusion à des activités d'ordre, on est tous des adultes ici, des activités d'ordre plus charnel. Hein? C'est pas que c'était des gens mauvais, les Israélites, c'est que c'était des bons païens. Puis un bon païen en Mésopotamie, hein, ça a un intérêt particulier pour le dieu de la fertilité, parce que vous avez besoin de fertilité pour survivre. Hein, si vous n'avez pas des enfants, puis si vos vaches n'ont pas de petits veaux, puis si vos cochons n'ont pas de petits... les Juifs n'ont pas de cochons. Mais si les choses ne fonctionnent pas, vous allez mourir. Fait qu'on a besoin d'un dieu pour ça, un dieu de la nature, un dieu de la fertilité. Baal, c'en est un. Et une façon de stimuler le dieu de la fertilité, c'est de s'engager dans des activités douteuses là, devant Baal pour l'encourager à offrir la fertilité au peuple. Bon, si vous n'êtes pas convaincu là, que c'était des bons païens, là, on a un problème, voyez-vous? Ça, c'est très important à établir. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu des mythes, puis que j'ai fait une synthèse de la pensée, là, du genre de vision du monde que les Mésopotamiens avaient et du genre de vision du monde que les Israélites partageaient en Égypte. Bon. Pause à 8h15, ça va-tu? Oui? OK, je ne veux pas trop vous fatiguer. Ah! Regardez ça, un excursus. Là, vous allez dire, là, je suis tanné d'entendre parler des Igigous, des Anunnakous. Je ne suis pas venu ici pour entendre parler de ça, je suis venu ici pour entendre parler de la Bible. On va en parler de la Bible. Juste pour vous donner un petit avant-goût de la pertinence des textes de la création, j'aimerais établir pour vous un parallèle entre la vision du monde mésopotamienne et une vision du monde qui caractérise le sécularisme. Vous savez, qui caractérise une société un peu comme la nôtre. En Mésopotamie, les dieux sont mauvais. Dans le sécularisme, l'humanité est à la merci d'un destin aveugle. Bon, évidemment, on ne croit pas à des dieux, mais on croit à un destin aveugle, un accident. Hein? La Terre a été créée suite à une explosion. Les humains en Mésopotamie sont des esclaves sans passé ni présent. Dans le sécularisme, l'humanité est le résultat d'un accident et n'a aucune destinée ultime. Quand vous êtes mort, ça vient de s'éteindre. OK? En Mésopotamie, les humains sont seuls dans l'univers. Dans le sécularisme, l'humanité est seule dans l'univers. Puis là, je ne parle pas des martiens, peut-être, là, qui existent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance là, surnaturelle pour s'occuper. En Mésopotamie, il n'y a aucune espérance pour un meilleur avenir. Dans le sécularisme, ben, il n'y a pas vraiment une espérance ultime pour l'humanité. En Mésopotamie, les hommes et les femmes vivent dans l'incertitude. Dans le sécularisme, les hommes et les femmes vivent aussi dans l'incertitude. On ne sait jamais ce que demain nous apportera. Hein? Les gens sont très, très insécurisés. Les hommes et les femmes vivent dans la crainte. Les hommes et les femmes vivent dans la crainte. Les hommes et les femmes vivent dans le doute et l'ignorance de la volonté des dieux. Dans le sécularisme, l'homme et la femme sécularisés vivent dans l'ignorance métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion qui nous est apportée sur le sens de la vie. C'est intéressant de regarder les nouvelles, hein, parce qu'on voit des guerres, on voit des gens mourir, on voit des gens souffrir. Notre société est très efficace dans la communication de la souffrance. Mais on vit dans une société qui ne nous aide pas du tout à rendre compte, à donner un sens à cette souffrance-là. Dans ce sens-là, on est très ignorant au sens métaphysique, au sens du spirituel. L'humanité est sans identité. Puis évidemment, dans une vision du monde sécularisée, l'humanité, elle aussi, est sans identité ultime. Tout ça pour vous dire que si les textes de la Genèse avaient comme but de répondre à certaines questions auxquelles se posaient les Israélites, est-il possible que nous qui vivions dans une société sécularisée, qui faisons face, et qui vivions essentiellement dans une situation semblable, n'est-il pas possible que ces textes de Genèse ont aussi un message important à nous proposer, à nous qui vivons dans une situation semblable? Bon, parlons maintenant de Moïse, assez des Mésopotamiens. On a vu dans Exode 2, 24 et 25 que les gens se mirent à... Les gens ont gémi, les gens se plaignaient. Et, tournons-y. Exode chapitre 2. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites. Et Dieu prit conscience de leur situation. Pourquoi est-ce que Dieu réagit de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il se préoccupe des Israélites? Pourquoi est-ce qu'il se préoccupe de leurs plaintes? Pourquoi est-ce qu'il les entend? La raison est liée à un motif fondamental de l'Ancien Testament, puis là je m'inspire d'un professeur à Fresno, Elmer Martens, qui a écrit un livre sur la théologie de l'Ancien Testament, le projet de Dieu. Si Dieu réagit aux cris des Israélites, c'est parce que Dieu a un projet. Hein? C'est un Dieu qui a une intention. Ce projet comporte quatre éléments. La délivrance. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu qui aime délivrer. Il rêve à ça. Je sais que Dieu ne rêve pas, là, mais il vit pour ça. Il vit pour délivrer les êtres humains qui sont dans le besoin. Mais il ne délivre pas simplement pour délivrer, il a un agenda, il a un but. Il délivre pour former une nouvelle communauté. Et pas n'importe quel genre de communauté. Vous savez, on peut avoir des communautés là, composées de toutes sortes de personnes. Hein? On peut avoir des communautés de gens qui portent des cravates drôles, tu sais. Bon, hein, on pourrait se réunir, se comparer nos cravates, ça serait une communauté. Mais ce n'est pas ce genre de communauté-là que Dieu veut créer. Dieu veut créer une communauté caractérisée par quelque chose de spécial. Et ce quelque chose, c'est la connaissance de Dieu. C'est une communauté qui va être en relation avec Dieu et qui va refléter le caractère de Dieu par sa vie communautaire. Et finalement, on ne peut pas avoir une communauté sans un pays. Dieu offre à sa communauté un pays, un foyer. Et dans l'Ancien Testament, le pays symbolise la vie abondante. Là, si vous me poussez un peu plus, je dirais qu'à la limite, Dieu vise un projet ultime, et ce projet ultime, c'est la création d'un peuple composé d'hommes et de femmes qui sont libres et qui ont choisi d'aimer Dieu et de le servir pour toute l'éternité. Toute l'histoire du monde, les difficultés qu'on a connues en tant que race humaine, la folie humaine, la souffrance, la mort, découlent du grand projet de Dieu, d'avoir un peuple composé d'hommes et de femmes qui choisissent librement d'aimer Dieu et de le servir à tout jamais. Bon, récapitulons. Dieu a le projet de créer un peuple. L'existence de son peuple est menacée, ben, parce qu'ils sont esclaves en Égypte, puis bon, ils ont de la misère à survivre, hein, c'est dur de survivre comme un peuple. Son projet est menacé, Dieu intervient. Dieu intervient toujours quand son projet est menacé. Ça, vous pouvez lire ça dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça revient constamment. Il intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de créer une armée de robots cybernétiques. Ou d'androïdes, pour détruire les Égyptiens et délivrer son peuple. Bon, disons que 6 mois, là, j'avais été responsable du projet, si j'avais été Dieu, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait des espèces de robots cybernétiques indestructibles, là, tu sais, assez puissants. Là. Il me semble que ça a été une façon quand même assez efficace de sauver le peuple. Hein? Mais Dieu... Dieu il est différent. Je ne veux pas dire qu'il est étrange, là. Il est différent. Il n'est pas toujours facile à comprendre. Et dans ce cas-ci, Dieu utilise... Ouais. Il utilise les hommes et les femmes dans son projet. Ce n'est pas la façon la plus efficace, peut-être, d'effectuer, de mener le projet à bon terme. Mais il semble que ce soit la seule façon acceptable d'accomplir le projet. Fait que là, Dieu regarde autour de lui, au chapitre 3, verset 1 de l'Exode, on lit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. » Dieu choisit Moïse comme partenaire. Le vieux Moïse, parce qu'il est plus jeune, là. Il a 40 ans qu'il est dans le désert. C'est le même Moïse qui avait moffé sa mission. Vous vous souvenez, Moïse, il avait tenté de donner du leadership au peuple. Hein? La première fois, là, il avait vu un Égyptien en train de battre un Hébreu. Puis, il est intervenu. Ça a tourné au vinaigre. Puis, il est obligé de s'enfuir. C'est un échec, ça, quand même assez considérable. Mais c'est le bonhomme que Dieu choisit pour être son partenaire. Vous voulez prendre une pause? Non? Bon, on va en prendre une. Juste une petite pause. 10 minutes. Parce que c'est un bon temps, là. OK? Remarquez, que le Proche-Orientien n'est peut-être pas un donné connu de tous. Est-ce que vous savez où se trouve le Proche-Orientien? Non, hein? Ah, j'aurais dû expliquer ça. C'est idiot, hein? Mais ça c'est de ma part, pas de votre part. Essentiellement, le Proche-Orientien, bon, c'est le berceau de l'Israël ancien. Puis quand on parle là, du Proche-Orientien, parfois on fait allusion, on utilise l'expression « le croissant fertile ». Mais essentiellement, là, si vous pouvez imaginer une carte, là, vous avez l'Égypte ici, là vous montez vers la Palestine, le territoire cananéen, l'Asie mineure qui est ici, l'Iran et l'Irak. Hein, si vous vous reconnaissez un petit peu, là, mais à l'époque, évidemment, c'était la Syrie et la Babylonie. Puis, essentiellement, c'est le berceau d'Israël. C'est le territoire, c'est la culture dans laquelle Israël est né et dans laquelle les textes bibliques nous sont parvenus. Fait que c'est un peu pour ça que, quand on essaie de comprendre des textes comme les textes de la création, on essaie de recréer, pour ainsi dire, dans la mesure où on peut, le contexte dans lequel le texte fait irruption. Fait que c'est pour ça que je vous parle de Proche-Orientien, c'est pour ça que je vous parle de mythe mésopotamien. Ça va? J'aurais dû apporter une carte, là, c'est une erreur impardonnable. Non pas un péché impardonnable, mais certainement une erreur. Je le saurai la prochaine fois. Dieu a besoin d'un partenaire. Il choisit le vieux Moïse pour être son partenaire. Un peu surprenant, mais enfin, bon, Dieu a ses voies, hein? Ses voies sont mystérieuses. Il offre à ce partenaire un double défi. Vous pouvez lire ça dans le chapitre 6 de l'Exode, au chapitre 3, puis plus tard dans le chapitre 6. C'est un double défi. Le premier consiste à sauver son peuple du Pharaon. Est-ce que ça, selon vous, c'est une mission difficile ou une mission difficile? Oh, là, je vous ai induit en erreur un petit peu. C'était pas une mission. C'est une mission difficile, oui, mais pas une mission impossible. Hein? Un petit coup de fil à Steven Spielberg, les effets spéciaux, hein? Une canne là, qui se transforme en serpent. Puis, bon, à la limite, là, hein, c'est pas si difficile que ça. C'est-à-dire, c'était pas une mission impossible en tant que telle. Hein? Si vous avez les bons outils, les bons effets spéciaux pour le faire. Mais il y avait une deuxième mission, un deuxième aspect à cette mission qui, lui, était beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que Moïse tente, par tous les moyens, de refuser la mission. Vous vous souvenez, lorsque Dieu se présente à Moïse, hein, au chapitre 3, par le biais du buisson ardent, puis il l'appelle, puis il lui dit, je veux que tu aies sauvé mon peuple, je veux que tu sortes mon peuple d'Égypte. Vous souvenez-vous de ce que Moïse répond à Dieu? Hein, vous souvenez-vous? Non? Quelles sont quelques-unes des raisons extrêmement légitimes que Moïse propose? Alors, je vais vous souhaiter...